La cave, épisode 12, Golden Boys. Ça. Mm-hmm. Hey, cheers. Mm. Hey, j'ai checké dans les fichiers tantôt. Hein. Oui. Ça fait un an, man. Un an et un mois qu'on fait ça. Ok. Ça enregistre. Oui, oui, ça enregistre. Ok, okay. C'est pas une blague, mais c'est vrai que le dernier épisode qu'on a fait, c'était en 2014. Fait que... Ouais. On est pas super. Puis on s'était dit que Golden Boy, c'était pour être à Saint-Valentin. Ouais, puis on. Ça fait un mois. Fait puis... qu'on s'est dit, oh, on va attendre l'année prochaine. C'est ça. Puis là. Mais Chris, ouais. Ça fait quand même un an qu'on fait ça, même. Ah ouais, quand même. On a juste 12 épisodes. 12 épisodes en un an, ça marche. Un par mois. C'est un par mois. Mais je pense qu'on devrait se dire ça à la place de faire fuck all. Là. Ouais, ben on a eu. Comme, là, ça avait pas de sens, là. Le dernier break il était long. Ouais, ouais. Puis il y a eu un petit incident qui était. Qui m'empêchait de faire ça durant l'été. Mais ouais, puis on peut sûrement se permettre de prendre des sujets pas nécessairement plus légers, mais c'est comme des trucs de jeux vidéo que les épisodes vont sûrement être moins longs que, ouais. Que d'autres qu'on a fait. Là. Puis même, tu sais, s'attaquer à des grosses affaires, c'est parce que des fois, on se met tellement de pression, genre. Ouais. Que, mettons, l'épisode sur Akira, on se dit comme fou, mm-hmm. Tout dire. Mais tu sais, moi, je l'ai fait au mystérieux, puis c'était super cool. Là, puis t'avais dit une vacherie à mon sujet. Hé, hey, qu'est-ce que j'ai dit? je t'ai blasté! Ouais, genre que. Tu disais que, il veut pas parce qu'il trouve ça trop imposant. C'est ça, mais ouais. C'est vrai, Chris! Ouais. C'est vrai! On fait du Cowboy Bebop demain? Non! C'est, ouais. C'est trop gros! Non, mais c'est ça, moi j'ai besoin de préparer davantage que toi. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qui fait notre charme. Oui, c'est vrai, c'est ça qui fait notre belle dynamique. Hey, bonjour tout le monde! Hey, salut! Salut Michel! Salut Michel! J'allais dire, c'est votre seul auditeur, mais Chris, à travers... Parce que, man, on a-tu reparlé, ça, pendant Gurren Lagann? De notre... Quand on est allé à Québec pour le lancement de BD, puis qu'on a vu Vidéo Ken, puis qu'on a vu Full of Fun. Mais toi, tu t'es-tu fait contacter par du monde après? Non, il y a des gens qui ont communiqué un peu via le Facebook, merci. C'est chouette, on apprécie toujours. Puis même des gens qui ont... juste contribuer avec des précisions, des ajouts, fait que très fun. Mais c'est ça, Facebook a rendu, je pense, à 125 fans à peu près. Que... C'est hot, là. Ben oui. Je veux dire, on fait aucune promo de ça, ouais. C'est juste que... Ben, t'en as pas mal fait dans les derniers mois, puis sans faire de nouveau matériel, puis ça, c'est un petit peu à ton image. Je l'ai plugué à 400e, puis ça faisait comme 4 mois qu'on n'avait pas fait d'épisode, genre. T'as-tu entendu, je pense, dans le public, j'ai entendu en background, je l'écoutais juste en audio, puis je pensais quand toi, tu fais juste avec les popettes, puis on entend un gars dans la foule, dis de la cave, parti de la cave. Il dit quoi qu'il a dit? Il a dit quoi? Il plug la cave. Ok, Il fait référence à ça, mais ouais. Mm. Fait que, ben cool. Fait qu'on n'est pas mort. Non. Mais malgré, tu sais, ça aurait bien fini, tu sais, notre épisode. juste sur nous, là, l'épisode de deux parties qui était super cool, puis... On aurait pu se retirer après. C'est celui-là qui a été le plus apprécié. Oui. De tout. Oui. Puis je pense que c'est parce qu'on a comme oublié qu'on faisait un podcast, puis on faisait comme plus jaser, puis... Oui, puis le sujet était... On n'a pas besoin de préparation, parce qu'on parlait c'était de nous autres. En nous. Ben oui, c'était nous autres. Dans notre inconscient collectif. Sauf que quand même qu'on continue ça, tu sais, là, on a fait grosse rétrospective. On pourrait peut-être essayer, genre, de faire un épisode sur... On en a en banque. On a des sujets, on a des invités qu'on veut... Non, mais je parle sur nous autres. Ah! De quoi d'autre qu'on peut parler nous autres? Ben, après ça, c'est un peu moins intéressant. C'est ça. Ouais. Ben, on n'est pas obligé de passer à ça tout de suite. OK, non, très bien. Mais ça va, mais ça va. Ouais. Puis, c'est ça, faut dire qu'avant tout, on fait ça en amateur, même si on aime ça. Puis, on espère que nos 125 fans Facebook aiment ça aussi. Ouais. Mais c'est ça, avant tout, on fait d'autres choses. Puis, notamment, un des projets qu'on a partagé sur le Facebook, c'est la BD collective La Ligne Rouge. Ouais, c'est vrai. Ben oui, que t'en as parlé, comment je dirais ça, à ta manière. Oui, ça a chié, hein, ce ouais, plug-là, ça a vraiment un petit peu, chié. Ouais, ben... Mais ça, si je me rappelle bien, c'était-tu l'épisode où c'est que Roadkill était là? Peut-être, fait que c'était peut-être ta nervosité. J'étais, puis c'est fucked up, parce que c'est mes amis. Là. Ouais. Mais j'étais tellement nerveux. Okay. Même, là. Tout le long? Là? Tout le long. Okay. Ça n'a jamais décroché, parce que okay. J'étais comme... Il y avait une voix dans ma tête qui me disait « Don't fuck this up ». Puis c'est ça, quand ça, tu startes de fuck plus encore. Ben c'est ça, ouais, quand ouais. Tu startes de même, t'es en train de réfléchir à chaque mot que tu dis, mm-hmm. C'est là que t'es zéro naturel. T'sais. Est-ce que tu parlais plus vite? Je parlais plus vite, je bégayais, je bafouillais, puis ma tête était pas claire. Mm. Genre, ça en allait dans n'importe quelle direction, oh, puis j'étais comme ouais. « Fuck, je suis en train de me planter, je suis en train de faire une nouvelle poche okay. ». Fait que je pense que c'est là que j'ai parlé de la ligne rouge. Ok. Puis ouais, ça a fait que ça a sorti ça. Tout croche. Ouais. Bon, fait okay. qu'on s'excuse, mais là, on peut réexpliquer ouais. c'est quoi ouais. peut-être, là? Ben, c'est ça, en fait, c'est... là, c'est une BD bi-hebdomadaire, fait que c'est publié les lundis et jeudis dans le journal Métro de Montréal, donc le quotidien gratuit qui est remis aux usagers du métro. Pour ceux qui ne sont pas à Montréal ou qui n'ont pas accès à ça, c'est les épisodes... Les strips sont archivés sur le site lignerouge.tumblr.com le lendemain de la publication de journaux, donc les mardis et les vendredis. Et essentiellement, c'est... moi, je trouve ça vraiment cool comme projet. Ça a été, pas nécessairement difficile, mais ça a été un bon test ou un bon... Parce que là, on travaille... Une belle expérience, c'est on ça. On travaille vraiment comme un petit studio. Hein, oui, oui, c'est vraiment une équipe. C'est vraiment à la... chaîne de montage un peu. Ouais. Fait que moi, je co-scénarise aux côtés de Olivier Jobin, qui a déjà publié dans les collectifs Le Front. Ensuite, ça s'en va à toi pour le storyboard, donc le composition visuelle générale. Ouais. Ensuite, t'envoies ça à Julien Paris-Sorel, qui fait l'ancrage. Mm-hmm. Puis ça se termine chez Olivier Carpentier, qui fait la couleur. Olivier... C'est une fucking bonne job. Ouais, ouais. Puis c'est ça, je pense... Tout le monde, on voulait pas prendre ça à la légère, je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'on est tous satisfaits, mais on s'est tous un peu fait surprendre, je pense, que du temps et de l'investissement que ça allait prendre. Ouais. On pensait que ça allait être ça allait se faire un peu plus facilement qu'on pensait, mais ouais. Je pense que le résultat, moi je trouve ça vraiment chouette. Là. Ouais. Mais vous autres, vous avez pris de l'avance. Moi, à un moment donné, je vous suivais dans l'avance. Oui. Puis là, ça allait bien, là. On était tout le temps genre quasiment 2 mois mm-hmm. en avance, tu sais. Ouais. Puis Julien puis Ali, ils travaillaient à leur rythme, puis c'était parfait. T'sais. Oui. Puis là, moi, je me suis planté. OK. J'ai arrêté de travailler pendant une semaine. Ouais, faut pas dire ça. Je suis tombé malade. Ouais, ouais, ben ça arrive. Mais ça arrive, là. Ouais. D'ailleurs, je suis encore malade. Mais je fais ce podcast. Ouais. Mais... On a une certaine distance en ce moment. Mais, oui. Mais en même temps, tu sais, c'est ça qui est cool d'avoir tellement d'avance, c'est que ça, mm-hmm. ça permet de fuck demain. Oui, oui, oui. Mais ça roule, même deux petits strips. Ouais. C'est faut dire, c'est pas des strips à la Garfield, là. C'est comme plus. Non, ben, c'est un petit peu. Peut-être un peu le piège qu'on est tombé. Dans le fond, on raconte une histoire dans le format strip. Ouais. Donc, qui est épisodique. Chaque BD de 4 à 8 cases doit finir sur une chute, sur une fin humoristique ou sur un punch. Ouais. Moi, c'est la première. J'ai jamais vraiment écrit de l'humour avant. Puis dans ce format-là, c'est vraiment pas évident. Ouais. Fait que c'est une belle expérience pour ça. Mais c'est ça, en gros, c'est une adolescente qui surveille son petit frère, son tabéré UQAM. La fille se fait approcher par un ado de son âge qui est intéressé par elle. Le petit frère, surexcité avec son toutou, se sauve. Puis finalement, il découvre une ligne secrète. La ligne rouge. Puis une fois rendu là, ben, y a crazy shit qui arrive. C'est ça. Comment je le pitch souvent, c'est comme... La ligne rouge, c'est comme quasiment le rabbit hole dans oui. Alice au Pays des Merveilles. Oui. Là, tout devient fucky, absurde, oui. C'est autant la gravité que les créatures. Bizarre world. Là. Ouais, c'est ça. C'est un oui. bizarre world. Ouais, ouais. Puis encore là, on s'est peut-être fait avoir parce qu'en tout, c'est 40 épisodes. Ouais. Donc 40 BD. Fait que ça a peut-être... On a peut-être mis un peu trop de temps à mettre les personnages sur la ligne rouge. Moi, je pense que c'est une impression qu'on a parce qu'on le découvre 2 épisodes par semaine, mais je pense ouais. que si tu lis one shot, ça ouais. va passer super bien. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en même temps, c'est important de faire une intro, c'est important de placer mm-hmm. les affaires. Ouais. Si ça commence à être fucké tout de suite en partant, tu t'en crisses un peu, là, mm-hmm. j'ai l'impression. Mais non, c'est une expérience assez cool. Puis ouais. c'est ça, 2 strips par semaine, c'est quand même... J'ai juste assez pour tenir en haleine. Puis, ouais, puis aussi, toi, tu t'as dit 4 à 8, c'est vrai, mais tu sais, la moyenne, c'est vraiment 6. Ouais, c'est ça, 8, c'est un peu extrême. 6 cases par page. Puis tu sais, ouais. ça fait une page de BD. Hein. Ouais. Une page de BD américaine, c'est à peu près ça, le standard. Là. C'est de strip. Ben, c'est parce que là, c'est ça, c'est qu'on dirait des pages de BD américaine, mais à l'horizontale, tu sais. Ah, ok, oui. À cause du format, puis aussi de la structure qu'il y a tout le temps une chute à la fin, c'est mais ça. Dans le sens du contenu des actions qui se passent dans chaque page, ouais. C'est pas Garfield, tu sais. Non. C'est pas. C'est vraiment. Il y a une évolution, il y a, y a des déplacements, il y a plusieurs actions qui se passent. Fait que. Ouais. Fait que c'est ça, je pense que la réponse est quand même bonne. Là, ça commence à embarquer dans les bizarreries, les personnages loufoques de la ligne rouge. Ouais. Mais il y a des gens qui connaissaient pas Fronfroy, qui sont tombés là-dessus par le billet de journal métro, qui ont embarqué. Fait que non, c'est chouette. Puis même, j'étais au salon Under the Snow il y a pas très longtemps. Ouais. Puis on avait affiché, accroché sur le mur quelques extraits qu'on avait découpés. Puis des gens reconnus sans connaître nécessairement Fronfroy. Okay. Parce qu'on rappelle que c'est un projet initié par Fronfroy en partenariat avec le Conseil des arts de Montréal et le journal Métro. Fait que... Mais c'est ça, le journal Métro, il y a beaucoup de monde qui lit ça. Oui, oui, oui. C'est comme, c'est quoi, c'est 500 000? Là, je sais pas beaucoup. Parce qu'il y en a deux. Tu as le journal Métro qui est remis à l'extérieur des stations Métro. Et à l'intérieur, tu as le 24 heures, donc okay. Le concurrent qui est l'autre journal quotidien qui est gratuit, okay. Mais qui est détourné par Québécois, l'Empire PKP. C'est lui qui a exigé d'avoir le monopole à l'intérieur. Puis c'est ça, à l'intérieur, tu as comme des petits bacs où les journaux peuvent s'empiler, tandis ouais. Que les métros sont donnés par du monde. Oui, ouais, c'est ça. Mais juste avant de penser à d'autres choses sur la ligne rouge. T'as dit genre, tu sais, c'était tough parce que là, il fallait que t'écrives de l'humour. Oui. Puis là, moi, quand je pensais à ça, j'étais comme, non, mais c'est pas vrai, Doom a écrit full d'humour. Mais là, c'est parce que c'est all age, tu sais, c'est pour tous. Ouais. C'est ça, là, parce que moi, je pense à crap, là. Il y a un paquet d'affaires qui me font rire là-dedans. Ouais, mais c'est pas le ton général. Ben, il y a le type d'humour général. C'est ça, c'est pas genre une comédie, mais en même temps, tu sais, souvent. C'est les choses qui me des font... malaises. Ouais. C'est ça, les choses qui me font le plus rire, souvent, c'est pas des comédies, mais il y a de l'humour. T'sais, comme quand le gars sort de l'appart en gros malaise, puis qu'il entend juste une fille d'un party dire je sais pas trop, là, c'est quoi le truc de. Ah oui! J'ai fait de l'équitation quand j'étais petite, j'ai pas eu de problème avec mon hymen tout mou. Ouais. Tu sais, man, c'est fucking drôle, ouais. Ça. C'est drôle en crise. Ouais. Sauf que. On peut pas mettre ça dans le métro. On peut pas mettre ça dans la ligne rouge, si c'est pas trop grave. Mais, à suivre, on n'a pas fini encore, puis c'est le fun à date, là. Ouais, ouais, très très cool. On va travailler sur un paquet d'autres affaires, mais on en aura en temps et lieu. Ouais, il y a un autre projet qu'on travaille en ce moment qu'on peut pas parler tout de suite, on va attendre que ça se concrétise, mais ça va être un peu plus adulte. Parce que moi, j'ai fait la gaffe, tu sais, moi j'entends genre mon idole Guillermo del Toro. Tu sais, d'habitude, tous les producteurs, tous les réalisateurs, peuvent pas parler de leur projet parce que c'est pas réglé, c'est pas signé tout. Puis Del Toro, lui, il est tout le temps en train de parler de tout. Il est comme oui, j'ai fait des sketchs pour ça, j'ai fait un pitch pour tel studio, puis c'est pour ça qu'il a l'air d'avoir autant de projets, c'est parce qu'il parle de projets qui sont pas encore qui sont pas encore concrétisés. T'sais. OK. Mais est-ce qu'il se permet cette liberté-là parce que c'est lui le producteur? Parce que c'est lui, c'est sa personnalité, puis il s'en fout. T'sais. OK. Puis tu vas pas aller chicaner Guillermo del Toro. Là, puis rendu là, tu sais, quand t'as une stature aussi intéressante que la sienne, ben rendu là, ça fait de la peau. Okay. Fait que moi, je me suis tout le temps dit, je vais faire la même affaire. Okay. Je vais juste comme parler librement de mes projets, puis de ce que ça me tente de faire. D'accord. Puis j'ai catché pourquoi personne faisait ça. ça a viré contre moi en hostie. Parce que là, il y a des projets que le monde me parle, qui sont pas encore signés, qui sont pas encore, tu sais, comme... Qui a une possibilité que ça... C'est ça, tu sais. Puis là, tu sais, si tu veux pas te faire jaser pendant 3 ans d'un projet que t'as pas eu. Ouais. Fait que. T'es-tu en train de dire que t'as une grand-mère, toi? Ben, je suis en train de me dire que j'apprends à fermer ma gueule. Ok. Avec le temps. C'est bien, des fois. Ouais. Il n'y a pas de jugement, là, ici. Là. Non. Mais. Okay. Fait que tu vois, toi, parle un peu moins, moi, je vais essayer de parler un peu plus. C'est bon. Fait que, tu sais, balance. Un équilibre. Fait que, ben oui, hey, on est de retour, épisode 12. 12, man. Ouais, ouais. Fait que, c'est un truc que je t'avais proposé, idéalement, que je voulais qu'on enregistre puis qu'on sorte à temps pour la Saint-Valentin, parce qu'il y avait une thématique un petit peu tirée par les cheveux, mais on va parler aujourd'hui de la série Golden Boy, oh, yeah. qui est un OVA de 6 épisodes. Et comme on l'avait expliqué dans notre premier épisode sur Macross, les OVA, c'est une sortie directement en vidéo. Donc, il n'y a pas de diffusion à la télé et il n'y a pas de sortie en salle comme les films. Souvent, ça va être des productions de plus courte durée, en bas de 10 épisodes, puis la production va justement être à mi-chemin entre les séries télé et puis le film. Ouais. C'est drôle parce que t'sais, ça a tellement changé culturellement. Genre, en Amérique du Nord, un direct en vidéo, c'est synonyme de poche, c'est synonyme de cheap. T'sais. Ouais, genre de B-movie. Pis... C'est ça, tandis que dans les années fortes de l'animation au Japon, au contraire, c'était plus comme un bonus, c'était plus comme quelque chose de plus hot qui joue à TV. T'sais. D'exclusif. Là. C'est ça, t'sais, fait c'était pas nécessairement une grosse production comme les films de Ghibli ou Akira, mm-hmm. etc., mais c'était vraiment plus hot que les séries animées qu'il y avait directement à TV. Fait que si tu trippais sur une série animée et t'entendais qu'il y avait un OAV qui s'en venait ou un OVA, mm-hmm. ben tu trippais, là, t'étais excité, t'étais comme oh shit, ça va être hot. T'sais. Ouais, parce que ça arrive aussi que t'as une série existante puis un peu plus tard, ils poursuivent la franchise avec ce médium. Ou qu'ils vont faire une histoire parallèle. Je pense à Kenshin, mettons. Ok, ben oui. Ouais. Les OVA de Kenshin sont hallucinants. Là, ouais. C'est tellement qualité. Le ton, c'est totalement autre chose. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Même Macross, tu sais, je veux dire qu'il n'y avait pas nécessairement de série télé Macross. Non, il y a une nouvelle. Oui. Ok. Il va falloir écouter notre premier épisode. Ouais, je pense que c'était surtout des films, mais bon. Ouais. Eh boy. Ok, on continue. Ça nous prend un troisième membre. Ah ouais? Qui fait juste des gros yeux comme. Non, mais qui est sur Internet constamment puis qui nous dit si on a raison. Ah ouais. On est rendu là, même. Ouais. C'est ça notre upgrade là, pour 2015, c'est ça. Eh boy. Ouais. Golden Boy. Golden Boy. Parle-nous de Golden Boy. Là. Moi, je suis pas préparé. Moi. Ouais, ok. Fait que c'est ça, 6 épisodes, une production de 1995. Comment as-tu connu ça, Jay? J'ai connu ça dans la cave à virus, man. Virus, okay. Qui est aussi un recurring character. C'était un peu ton pusher d'animé. Ouais. Ouais, complètement. C'est un gars très spécial. Ouais. Je veux pas trop parler en mal de lui parce que... c'est un souvenir, là. Hey. Puis ça se peut qu'il écoute la cave, je sais pas. Ouais, mais là, t'as un bon test de pouvoir te fermer la gueule au bon moment. Mais à l'époque, il me faisait découvrir beaucoup de choses. Ouais. Il y avait un cinéma maison. Ouais. Et il y avait une cave, bizarrement, qui nous faisait écouter les trucs un petit peu plus. Bah, wow, chica, wow, wow. OK. Dont Golden Boy, parce que Golden Boy, il faut le dire, c'est un manga animé. C'est un animé, c'est très drôle, mais c'est très érotique aussi. C'est folichon. C'est folichon. C'est à base de cochonneries. Ouais. Et fait que là, il était quand même. Les gars, faut que je fasse écouter ça. Hey, man. Les mangas, il parle comme un farfadet. Oui, il parle comme un petit farfadet. Puis j'avais été quand même. J'avais trouvé ça hot, j'avais trouvé ça très drôle. OK. Et j'avais été vraiment surpris par la qualité de l'animation. Fait que toi, à. Quoi, 16 ans, là? 15 ans? 16 ans? Genre, là. Ouais, okay. 16 ans. Ouais, fait que t'as eu ça plutôt que de flasher ses boules? Ouais. Ou les deux? J'ai eu les deux. OK. J'ai eu les deux. Ouais. Mais tu sais, mettons qu'on parle de quelque chose... Parce que Chris, je viens de me rappeler, on a un autre... Pas vraiment un épisode inédit, mais une chronique inédite. Non, ben j'allais en venir à ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a des connotations adultes. Mm-hmm. Mais c'est pas du matériel pornographique, c'est pas du hentai. Mais si vous voulez savoir tout sur le... monde sans fin du hentai, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, allez voir le spécial des mystérieux, le spécial de Noël des mystérieux, 2014, où on fait une chronique sur justement le hentai. Ouais. Fait qu'il y a des chats pis tout. C'était weird, c'était des malaises. tu sais, on trouvait que c'était une mauvaise idée, après ça on a trouvé que c'était une bonne idée, puis finalement on s'est reviré de bord, puis on a décidé de le faire, puis quand on a commencé à le faire, j'ai fait « Ah, c'est que ça n'a pas rapport ». Les yeux de jugement et de mépris de quand on a dit « On va vous parler de hentai », puis de lui qui me regarde comme « Jake, t'es pas sérieux. » de nous autres, il faut qu'il continue avec ça. Mais on sait bien... Ouais. Non, moi, je suis quand même satisfait, là. Mais bref, la qualité de l'animation de Golden Boy oui. est un complètement autre niveau que, mettons, Dragon Pink ou la Blue Girl, qui recycle beaucoup, qui a exactement. Beaucoup de, l'animation est très limitée. Là, là-dedans, là, je veux dire, c'est plus proche de... Un studio comme Gainax qui fait Evangelion, c'est à ce point-là. Les scènes d'action sont ultra détaillées, sont super bien. Il y a de l'économie aux bonnes places. Ouais, puis il n'y a pas beaucoup de plans fixes, il n'y a pas beaucoup de plans où ça bouge pas beaucoup. Ouais. Le storyboard il est super dynamique tout le temps. J'ai remarqué vraiment ça comme en le réécoutant tantôt, puis c'est vraiment des artistes de qualité qui ont travaillé là-dessus. Là. Ouais. Malgré le thème, c'est ça qui est drôle. Tu sais, quand tu as des estimes maîtres qui travaillent sur une affaire niaiseuse, mais que finalement ça devient super bon. Ouais. Fait que c'est le même que j'ai découvert ça dans la cave à virus. Ok, ok. Moi je me rappelle plus exactement, c'est toi qui me l'as fait découvrir ou. Je sais pas. Vraiment. Sûrement peut-être, mais en tout cas, c'est peu après qu'on se soit connu, puis justement qu'on commence à parler d'animé, tout ça. C'était ça. C'est notre club vidéo du temps. Avait quand même une sélection quand même intéressante pour nous, ouais. À Lévis surtout. Puis, il faut se rappeler... Golden Boy ou Vidéo J? Oui, justement. Nice. Oui, c'est ça. OK, on m'en rappelait pas qu'il y avait là. Puis, j'imagine que c'est dans un aspect lucratif aussi, mais la compagnie qui sortait dans le temps, ADV Films, on se rappelle, c'est des cassettes VHS, des épisodes de 30 minutes. C'était un épisode par cassette. Ouais. Puis, ça c'est... Ça a été en loup 6. Oui, fait que c'est ça. Puis, sur VHS, t'as pas l'option de langue comme sur DVD puis sous-titre. Ouais. Puis, la version japonaise sous-titrée, c'était toujours un petit peu plus cher. C'était genre 35 US, puis ça c'était 25. Ah, fait qu'on... On les achetait pas, mais quand même, c'est... Puis on s'est copié. C'était différent. Oui. C'était à l'époque. Non, mais c'est vrai, c'était à l'époque que tout le monde avait deux VHS. Oui. T'étais comme. T'avais rien compris si t'avais juste un VHS. Ça t'en prenait deux. Ouais. Puis c'était drôle quand justement, soit virus ou d'autres gens, puis tu finis un film, puis là t'as un genre de neige ou tu sais pas trop ce qu'il y a en vieux. Ce qu'il y a après la cassette, puis là ça tombe un milieu d'épisode de Golden Boy, puis hey, cool! Ouais. Tu te rappelles-tu aussi, t'avais sur les cassettes VHS, t'avais trois modes d'enregistrement? Ouais, t'avais EP, ouais. LP, puis SP. SP, c'est 2 heures, puis à maximum qualité, puis EP, c'est l'inverse, c'est 6 heures, moins bonne qualité. Puis moi, je me rappelle vraiment que je choisissais la qualité dépendamment du contenu. Ouais. Genre, j'y allais pas pour. Je fais Golden Boy, j'étais comme, ah, ça rentre tous une cassette. Mais genre, Evangelion, j'étais comme, le film, là je voulais l'avoir au complet sur une cassette. Ouais. Même affaire que les Berserk, genre, je voulais comme 2 épisodes max. Hein, ah. Ça faisait beaucoup de cassettes. Et hey, puis j'y ai encore tous, hein. Ouais, moi aussi, je pense que j'en ai une coupe dans la cave. Moi, j'ai mes parents. Mais moi, ils sont ici. Ah oui? Ils sont dans ma cave. OK. Puis c'est assez impressionnant de voir ça. C'est des caisses, puis marqué, genre, comme, juste lire ce qui est marqué sur les cassettes, c'est malade. OK, fait que tu pourrais faire des trouvailles intéressantes. Oui, vraiment. OK. Mais j'ai plus de VHS. Ah, OK. OK. Puis, juste pour finir, justement, pour le format d'épisode individuel, je pense au Japon, ils ont continué un peu avec ça. Notamment la série FLCL. Je pense que les épisodes sont un peu plus longs, 30 minutes, me semble. Ouais. 30-40 minutes. Ouais, mais en tout cas, c'est ça. C'était un épisode par DVD. Ah, oh, ouais. Fait que c'est certain qu'ils. Je peux pas imaginer qu'ils feraient ça pour une série télé de 26 épisodes. Ouais. Mais encore là, il doit avoir un aspect lucratif derrière ça. Là. Je me rappelle que les Cowboy Bebop aussi, c'était ça. Il y avait 2 épisodes par DVD. C'est par DVD. Genre. C'était une affaire, là, ça n'avait pas de crise de bon sens. Les DVD japonais? Les DVD américains. Non, ça je confirme. Tu confirmes? Oui, il y en avait 4-5. À moins que c'était ton bootleg poche. OK, mais à suivre. Parce que j'en ai un ici, là, de okay. Cowboy Bebop. OK. Puis il me semble qu'il y en a 2 ou 3. Non. OK, on va suivre. Ouais. Moi, je me back. OK, d'accord. en scrutant mes DVD, voir s'il est proche. Regarde-moi. Donc, Golden Boy, qu'est-ce que c'est à part aborder du contenu adulte et comment on fait un lien avec la Saint-Valentin passée? Dans le fond, c'est les aventures péripéties un peu loufoques de Kentaro Oe, qui est un jeune de dans les débuts de 20 ans. Je sais pas si. Il dit qu'il a 25 ans. Ah, 25 ans, ok, c'est ça. C'est indiqué C'est dit qu'il a complété toutes ses cours, toute sa formation universitaire pour en droit, mais qu'il s'est poussé juste avant la graduation. Fait que là, il est sur son bicycle, puis il découvre l'école de la vie, puis lui, c'est je veux vivre plein d'expériences. C'est ça, je veux faire partie de l'école de la vie, ça, il dit à chaque épisode. Ouais, ouais. Sa phrase, son pas son patois, mais son truc qu'il dit tout le temps, c'est study, study, study. Ouais, ouais. Je veux étudier tout ce que le monde a à offrir. On s'entend que chaque épisode a un peu la même structure ou un peu la même prémisse. Oui. Sauf que c'est des variations tout le temps sur le même thème. Oui. Puis ça aussi, j'étais quand même surpris de voir que c'était quand même bien construit. C'était quand même. Mm-hmm. Tu sais, les scénarios sont niaiseux, mais sont comme bien écrits pareil. Oui, parce qu'essentiellement, il arrive on comprend qu'il arrive d'une ancienne job vers une autre. Ouais. Fait que là, il se débrouille pour se faire engager. Puis dans ce contexte de job-là, il remarque une jeune femme qui est attirée envers elle. Ouais. Puis il essaye tout pour essayer de s'appogner. Ouais. Puis finalement, à la fin, ben, c'est pas nécessairement moralisateur, mais le personnage féminin souvent a un espèce de changement, une espèce de réalisation envers Kintaro. C'est ça, c'est que souvent le personnage féminin qu'il rencontre dans l'épisode va le mépriser au bout. Ouais. Puis il a envoyé un défi ou il mm-hmm. a une punition. Puis là, finalement, une fois qu'il est parti, elle réalise à quel point il était tellement up, ouais, au fond. Puis ouais. Là, elle essaie de le retrouver. Puis c'est ça, c'est ça. Lui rendu ailleurs. Puis encore là, il s'en va tout le temps. C'est ça, c'est comme le vagabond. Ouais. c'est vraiment ça. Ouais. Puis mais... j'ai jamais tombé sur le manga. Parce que c'est basé. Ouais, c'est basé sur un manga, sauf que de ce que j'ai lu et compris, c'est beaucoup plus risqué comme thème, c'est beaucoup plus érotique, voire pornographique. Okay. Fait que je pense qu'à part les personnages de base sont vraiment distancés. Okay. Du matériel source. Parce que ça, je trouve que le ton il est cool dans Golden Boy. En passant, je sais pas, tu ferais-tu écouter ça dans l'autre? j'ai pas eu l'expérience que je pensais. Tu l'as fait écouter à ta blonde? J'ai écouté le premier épisode. Ouais. Puis après ça, elle a regardé, puis elle a dit « Ouais, ben, c'est correct, t'avais 16 ans, là. T'avais le droit d'aimer ça. » Fait que... Puis plus tard, on a écouté le dernier épisode, que là, est quand même plus intéressant, puis là c'est plus cool, là. Elle était moins... Ah, oh boy. Ouais. Mais parce que c'est très... c'est très fantasme d'ado, là. Ouais, c'est ce qu'on appelle dans le milieu de l'anime, le fanservice. Ouais. Comme, mettons, le personnage va se baisser, puis tu vois, ou des plantes bobettes, ou des craques de boules. Des boules qui jiggle all the way. Ouais. Mais en même temps, c'est que je mais pense. Mais là-dedans, c'est assumé, c'est carrément c'est ça. Je pense que c'est même une parodie un peu de ça. Ouais. De faire comme chose. Ouais. Il y a le personnage, justement, dans le premier épisode, mm-hmm. à chaque fois qu'elle parle, ses boules jiggle. Oui. Si elle se lève debout, ses boules vont jiggler pendant, genre, ouais. comme 30 secondes. Ouais. Ouais. C'est, je pense que c'est assumé. Puis... Mais en même temps, c'est ça que je me demandais, tu sais, j'étais comme, est-ce que c'est assez clair que c'est assumé, que tu peux faire écouter ça à ta blonde ou à une fille, puis qu'elle va réussir à pas voir ça comme complètement ado, misogyne, pas misogyne dans le sens méchant, mais dans ouais, le ouais. sens la fille c'est juste une fuck thing, là. C'est juste une affaire à fourrer. Là. Je sais pas, man. Ouais. Je sais pas. Ben si on se concentre là-dessus, qui est straight dans ta face, là, mm-hmm. Il y a quand même un gros lot humoristique puis qui tient autour de ça. Là. Fait que c'est, je dirais, c'est pas juste ça, là. C'est pas juste comme du hentai. Pas juste ça, mais on s'entend que c'est 90% ouais. de ça. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est le niveau de plus, il est très subtil pour quelqu'un qui connaît pas ça. Okay. Nous autres, on a vu des animés, on a okay. vu le vrai truc hentai, on a vu des trucs super sérieux, on est capable de le voir. Okay. Mais je pense à quelqu'un qui est pas familier, justement, dans le monde, ou je sais pas, moi, ta mère? Ouais, genre, tu sais, je fais écouter ça à une de mes chums, là, ou à une de mes dates. Je sais pas si j'ai de l'air cool après. Ouais, c'est pas du avoir, ouais. Ouais. Je pense qu'elle fait comme calice. C'est comme genre. Ben, rappelle-toi ça, on a déjà parlé des dessins de filles que je faisais quand on était à l'heure. Ben oui, ça criait, je veux du cul. Là. C'est ça, puis ça voyait pas une fille, ça voyait des boules, ouais. une bouche qui sert juste à sucer, puis un cul qui sert juste à se faire fourrer. Ouais. Fait. c'était pas des personnages féminins forts, là, tu sais. Sigourney Weaver était pas là, là. Non. Ripley, elle n'existait pas, là. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Okay. Pour un public non averti, mettons. Là. Ouais. Mais d'après toi, si on tombait là-dessus aujourd'hui, là, sans le connaître, penses-tu qu'on dans un regard... penses-tu que c'était comme dans notre approche un peu juvénile, puérile, d'adolescent en puissance? Honnêtement, moi, j'ai réécouté 6 épisodes en genre 3 jours. Là. Ouais, ouais. Moi, j'ai souri tout le long, là, j'ai ri. Moi, j'y ai ri, mais beaucoup moins que je pensais. OK. Y a une shot que j'ai genre éclaté de rire. C'est drôle parce que j'avais justement une amie ici. OK. Ah, mais fait que t'as fait le test. Non, c'est ça. Ah. C'est que moi, je l'écoutais sur l'ordi. Ah, OK. La gamer. Ah, OK. Fait que quand elle est venue me voir, j'avais comme l'espèce de sentiment, genre non. De te non, faire pogner. C'est ça, genre non, viens pas checker, genre. Tu triperas pas, genre. Ouais. À plein de faire comme, hey, viens checker ça, tu sais. Mm. En partant, l'animation japonaise, c'est comme un créneau qui n'est pas accessible pour tout le monde. Faut que tu aies un intérêt envers ça. Ouais. À part les maudits Miyazaki que tout le monde aime, là. Ouais. Mais, tu sais. Genre, Marilyn, la fameuse Marilyn HB, on peut l'appeler comme ça parce qu'elle a 3 fucking 1000 followers sur Twitter, fait que tout le monde la connaît. J'y faisais juste écouter parce qu'on parlait d'animation japonaise, puis elle me disait qu'elle avait écouté Akira, puis j'y parlais d'Evangelion, puis elle me dit non, je connais pas ça, puis j'étais comme, je vais juste te faire écouter quelques scènes du film The End of Evangelion. Et puis bon. Ça a tapé ses nerfs. Ok. Parce qu'il faut que tu te rappelles que. C'est comme le cliché, genre dans les Simpsons, que c'est comme super agressant visuellement, puis quasiment strobostop. C'est ça. Puis encore une fois, tu sais, je veux dire, les personnages principaux, on s'entend que c'est des jeunes écolières de 13-15 ans, en fait. Oui, qui vont vivre les plus gros martyrs de leur vie. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un gros robot géant avec un stroboscope, puis ça crie. Ouais. Elle, c'est ça qu'elle voyait. T'sais. OK. Puis j'étais comme, non, mais c'est plus deep que ça, puis comme n'importe qui a vu la série puis le film, tu sais que c'est un chef-d'œuvre, c'est extrêmement profond. Puis, mais faut que tu t'investisses. Mais c'est ça, faut que tu aies un intérêt pour. Si tu fais juste rester à la surface, tu fais comme ah ouais, non, ça gosse. C'est très rare les animés qui passent ce test-là de genre. Okay. Même si t'aimes pas ça, t'es pas intéressé. Je pense justement les Miyazaki. Ouais. C'est ça, Scroll, ça passe souvent parce qu'il y a comme un côté tellement over the top, puis c'est très. Américain dans son storytelling. Ouais. Bizarrement, parce que c'est super féodal, puis c'est full traditionnel japonais, mais dans le storytelling, c'est pas. Ouais, c'est pas chercher les gros yeux, puis les petits cris, puis les. C'est très. C'est ça, puis c'est une approche très linéaire. C'est ça aussi, tu sais. Ouais. T'as pas tous les clichés que tu vas retrouver dans les autres trucs. Ouais. Fait que. Ouais, je sais pas si j'écouterais Golden Boy aujourd'hui. Je pense que je serais prêt, mais je ferais pas comme. Ah, si ça me le prend. Okay. Je le recommanderais pas genre à mes amis. Okay. Sauf que ça va être violent. Wow. Sauf que là, pour l'aspect nostalgique. Ouais, il y a peut-être ça qui nous trahit. Puis aussi pense. Non, mais l'aspect nostalgique, pas juste dans le sens de genre ah dans le temps j'aimais ça. Okay. C'est qu'on parle d'une époque où l'animation japonaise était à son top. Ouais. C'est-à-dire les années 90. Puis encore là, ça a été un dans les premiers. Là. C'est ça. Parce que toi, tu as connu ça avant de me connaître. Ouais, dans le même coin. Ouais, c'est ça. Même période un peu. Mais tu sais, c'est quoi, c'est 95? Ouais, fait que j'imagine qu'ici, on a eu 197 peut-être, 98. Ouais, fait que, ça fait maintenant. Fait que, pis ça, c'était là où, pis c'est drôle parce que le dernier épisode de Golden Boy parle de l'animation. Oui. Pis parle des possibilités, pis c'est super inspirant. Aujourd'hui, je pense pas que c'est le même dialogue. T'sais, aujourd'hui, ça a beaucoup changé t'sais, à cause du shift culturel, puis de tous nos intérêts, puis les intérêts des kids qui ont changé. Oui. Mais à l'époque, c'était ça de shit. C'était ça qui était le futur. Tu voyais ça, c'était ça qui était contemporain, qui était moderne. Fait que quand je dis nostalgique, c'est aussi ça. T'sais, comme check ce qui se faisait dans le temps. Oui. Comment qu'une série conne, que normalement ça a eu aucun budget, check ça, le monde malade, ils ont travaillé là-dessus. Puis même l'adaptation, je parle des voice actors, des traducteurs. Oui, la version anglaise. Super bien, super bonne. T'as-tu reconnu des voix? Oui, ben en fait, Je vais me permettre de parler plus puis de t'interrompre. Ok, ok. Je te proposerai un petit quiz. Parce que toi, t'aimes ça entendre que t'as raison. Ouais. Puis moi, j'aime ça t'entendre quand t'as pas raison. Ouais, ça, c'est vrai. T'as une petite douissante, toi, quand j'ai pas raison. Fait que, on va faire une petite pause musicale puis on va revenir avec ça. Fait que. Je t'excite. j'allais dire, je suis quasiment excité, mais non, je suis excité. Ah, ouais. Mais d'après moi, je vais triper. Non, d'après moi, tu vas avoir des bonnes réponses. Ok, c'est bon. Ouais. On s'en va écouter Sport avec la pièce Ulrich Meyer. Une belle chanson, ça, Dominique, que j'ai aucune idée des goûts. Ouais, c'est ça qui est. Moi, je sais même pas quoi mettre encore. Ben, tu l'avais tantôt. Ouais, mais je l'ai réécouté puis j'ai écouté. Ok. Non, mais tu sais, parce que j'aime ça, des tunes de fin qui punchent, tu sais. Ouais. Que genre, tu finis l'épisode puis t'es comme dedans, tu sais. Ok, mais ça pourrait être une tune qui va bien avec la thématique du sujet abordé. Ouais, ben, je vais y penser quand on va en parler. Ok, puis au pire, on. On prendra une autre bière, puis on... Ben, ouais. D'accord. Vous êtes toujours dans la cave, épisode 12, Golden Boy. Oui. Avec Doom et Jake. Oui. Et là, comme on avait dit, ça sent toujours d'attaque, on va y aller un petit quiz. Oui. Oui. Et le monde vient d'entendre ça, vraiment. Il n'y a pas eu de pause publicitaire. Ouais. Mais oui, je suis prêt, même. Je suis... I'm all in. OK. All in. Attention. Je m'allume ma club de gangster. Pour toi, Jean-Michel. Okay. Fait qu'on a brièvement effleuré l'adaptation en anglais, donc la traduction anglaise, qui ont fait un super boulot. Puis encore là, avec le VHS, c'est la version qu'on a connue, la série avec ça. Moi, j'ai échantillonné, j'ai testé un peu, juste voir en japonais, c'est bien, c'est très différent. Tout aussi dynamique, mais la version anglaise est tellement bonne puis grandie avec ça que... C'est rare que la version américaine est aussi bonne, sinon meilleure. Oui. Puis c'est pas de « I will kill you now ». C'est une vieille joke que j'ai faite, laquelle j'ai fait une référence. Ouais, tu l'avais remis dans le deuxième aussi. Puis... fait que justement, on va y aller, je vais essayer de tester, dans voir les références des acteurs, des interprètes. Okay. Fait que dans le premier épisode, Kintaro s'en va dans une espèce de petite PME informatique. Oui. Puis justement, c'est la personne que tu as dit avec les jiggly boobs. Mm-hmm. Puis juste parenthèse comme ça, je pense que j'avais pas joué, mais le premier Dead or Alive, le jeu de combat au PlayStation, tu as une option que tu peux mettre si les seins sont flottants ou non. Ouais. Puis ça, vous aimiez bien ça, toi, PG? Ah non, moi je trouvais. J'ai tout le temps trouvé ça dégueulasse. Ok. J'ai tout le temps trouvé que ça n'avait pas rapport. Ok. Mais c'est parce que moi, j'aimais plus les petites. Ok. Fait que je trouvais que ça n'avait pas rapport, puis même dans beaucoup de jeux de fête, c'est arrivé ça, que Chris, les boules étaient tellement grosses que t'es comme. C'est pas de même que les filles se battent, man. Même quand j'étais kid, ado, j'étais comme. Non, non, ça n'a pas rapport. Là, tu sais, tu tombais sur des trucs, tu bon, là, j'avoue que t'es super jeune, mais comme Battle Angel, là, t'es comme, bon, ok, tu sais, une fille qui se bat, ça devrait ressembler à ça. Ouais, c'est un cyborg. Ben, le cyborg, oui. Ou même, tu sais, Ghost in the Shell, elle a pas des... Tits of Steel. Tits of Steel. Ah, man, je vois. On l'a mis perturbateur. Ouais, ouais, pis ça affûterait un peu moins. Ça ne pas dans tout. Quand je me dis, Ghost of Steel, j'ai pensé Raining Steel. Pis... C'est ça, je pense que je lisais pour le chapitre le plus récent de Dead or Alive. Ouais. Je pense que le créateur original, je sais pas si c'était Team Ninja ou je sais plus trop. Ouais, c'est mais c'est ça, lui s'est retiré puis il a dit ah, là ça n'a plus de sens là, avec les costumes puis tout ce que tu peux acheter pour rendre les filles objets. Puis, ça va comme trop loin. Ok. Ben c'est pas le créateur original parce que lui il trippait là-dessus en tabarnak. Ok. Puis, c'est aussi le même créateur que Ninja Gaiden. Ok. D'ailleurs, c'est le personnage Ryu Hayabusa est dans Dead or Alive. Oui, oui, oui. Kasumi est dans les Ninja Gaiden aussi. Oui, oui. Puis là, tu sais, tu joues à Ninja Gaiden sur le Xbox, le premier, puis genre, tu serais pas au bout parce que c'est le gameplay le plus malade que t'as jamais vu de ta vie. Je me rappelle une scène que tu m'avais montré, je sais pas si t'as... C'est ça que t'allais dire, là, la blonde qui se fait comme vomir. Ah. Puis d'une grosse bébite, puis toute comme luisante bave, puis c'est brûle, puis tout. Puis c'est ça, tu sais, puis elle a genre une tentacule dans la gueule, puis là t'es comme arc, man, c'est tout allait bien, on était dans un ninja, ouais. Dans le bois, le gameplay des cœurs, hein. Puis là, il a fallu que t'amènes une style de charrue dégueulasse en G-string en cuir, qui se bat avec un gros marteau, puis qu'elle se fait juste enduire d'huile en criant, genre, puis elle a des seins, mais tu sais, c'est même pas des seins, là, c'est genre. Non. T'as pas courir avec ça. Allez. Oui, première question. Vas-y. Hey, c'est bon. Oui, t'es là. Rappelle alors. Ok, fait qu'on va y aller par ordre d'épisode. Fait que, c'est ça. Le premier, c'est avec Madame President dans la PME informatique avec le gros sein. Oui. Donc, l'actrice qui interprète la version anglaise s'appelle Tiffany Grant. Et quel rôle? Ritsuko dans Evangelion. Non! Oh! C'est elle qui a fait Asuka. Hey, pour rien! Ouais. Attends, on parle de la boss. Hein? Ouais. La boss, c'est elle qui faisait Asuka? Ouais. J'aurais jamais pu savoir. Ah, là, je suis déçu. Eh, hey, ouais, mais ouais. Elle est tough, celle-là, parce que là, dans. Ouais, parce que c'est vrai que c'est à deux antipodes. Est aux antipodes parce qu'Asuka est souvent très. Très aiguë. Ouais, puis expressive, puis la dame, Madame Présidente et tout. Wow, je vais être poche dans le jeu. Je pense que je vais en avoir une. Puis, en faisant des recherches comme ça, Tiffany Grant est mariée à Matt Greenfield, qui est le cofondateur de ADV Films. Wow. Fait que le c'est cute. Le studio de production, rencontrer. C'est ça. Puis, d'après moi, au début, ADV, c'était un des gros avec. Je pas Media Blaster ou d'autres, d'autres distributeurs américains. Mais je pense que. Manga Entertainment, non? Oui, ben oui. Merci. Manga! Ouais. Mais d'après moi, le bassin d'acteurs pour le doublage était moins, moins grand à ce moment-là. Fait que c'est certain que tu avais des acteurs récurrents de série en série. Ok, ok, ok. Ouais. C'est mon opinion. Oh oui, ben je suis d'accord. Puis même dans les jeux vidéo, on trouvait des voix qui revenaient parce que c'est comme. Ok. Ça se passe dans un studio à Hollywood, sûrement. Là, ok. Je sais pas. Je... Mais... Continue. Non, je vais faire une parenthèse. Oui. Je vais parler plus. Mais ça, tu dis les studios, le jeu vidéo, à quand donnerais-tu un peu une date quand la voix, les acteurs ont pris plus d'importance? C'est PlayStation 1, puis la grosse démarcation, c'était avec Metal Gear Solid. Oui. C'était là la première fois qu'on entendait qu'ils ont engagé des acteurs, mm-hmm. non pas juste comme du monde qui font des bruits. Puis des ouais. Le premier Resident Evil est pas très bon en comparaison. Là. I hope it's not Chris's blood. D'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, allez voir ça, il y a un acteur qui s'appelle un face actor qui fait les pires calls de tous les jeux vidéo sur YouTube. Fait que tapez ça genre worst video game acting face actor, puis vous allez tomber dessus, le gars il est tordant parce qu'il imite l'émotion que les acteurs pixelisé dans le jeu. Oui, projette, puis c'est malade. C'est vraiment très très bon. Excellent. De retour au quiz. Oui. Deuxième épisode, c'est Kintaro rencontre une écolière, on espère qu'elle est proche de l'âge adulte, et travaille pour son père qui est candidat. Pour à ça. La mairie, genre. Ouais, genre, c'est ouais. ça. Fait que une famille super puissante, puis l'idée c'est que la fille le torture parce que le père est tellement puissant qu'il peut. Qui bat toutes les chums qui s'essayent avec la petite fille. Ben moi j'ai l'impression que c'est Misato dans Evangelion. Tu as raison! Oh fait... yes! Ben c'est le seul que je vais avoir. C'est le seul que je vais avoir. Alison Keith qui interprète Misato. Elle trouve tellement qu'elle a une fucking belle voix. Parce qu'elle a une voix, oui, elle est aiguë, sauf qu'elle est rauque. Ouais, juste assez. Juste assez? Ouais. Moi la voix de Misato, elle me fait capoter. Là. Capoter. Je te l'avais dit que je me suis tapé toute la série pendant que je faisais Woken. De Evangelion? Evangelion. Oui. Je me les ai tapés en deux jours. C'était juste ça que j'écoutais. Puis j'avais oublié tellement de scènes, dont la scène qu'elle baise avec Kaji, mais qu'on voit juste, c'est un plan, parce que là, à la fin, le studio avait plus d'argent, fait qu'il essaie de limiter les plans le plus possible. Fait que c'est juste un plan sur, genre, je pense que c'est un cendrier. Oui. Mais tu les entends jaser, puis ils sont comme. T'imagines qu'ils viennent de baiser. Puis à la fin, t'as comme la main avec la cigarette. Exactement. Ouais. Puis là-dedans, la performance de voice acting est fondamentale parce qu'il n'y a rien d'autre à voir. Oui. Mais elle est vraiment bonne. Oui. Elle est vraiment bonne. Oh, oui. Je l'aime. Je suis en amour avec ce personnage-là un peu. Ok. Mais bravo. Ben merci. C'est la seule réponse que je vais avoir. Ah, tu vas l'avoir. Ouais, ok. 6 épisodes. Troisième épisode, le personnage se retrouve dans un petit restaurant à faire des nouilles à l'ancienne, donc rouler la pâte et ça a l'air assez méticuleux. Oh, je sais. Ok. Tu me parles pas de la fille. Attends un petit peu. Ah, vas-y. Ouais, parle pas trop, toi. C'est ma résolution. Ben, vas-y, donc. Vas-y, merde. Fait que c'est ça, la fille, c'est une famille qui gère le restaurant. Puis en fait, il y a un investisseur ou un homme d'affaires qui prétend les aider, mais dans le fond, il a fait un coup monté pour faire un hit and run, donc frapper le père en voiture, puis se pousser. Son but, c'est d'épouser la fille pour acheter le restaurant, pour faire plus d'argent. C'est ça. C'est ça. Puis dans le fond, on apprend ça, Yakuza, c'est fait qu'il y a vraiment les Mr. Jekyll and Dr. Oui, c'est très bien fait, ça c'est drôle, c'est super drôle. Puis ça arrive souvent dans la série où ils jouent tellement avec les clichés visuels qu'un personnage, tu sais, comme il est tout loufoque, mais là il va dire de quoi de full profond, puis l'image change, puis là ça devient comme super dark avec des éclairs derrière. Ou genre il trouve une fille belle, puis il y a un coucher de soleil, tu sais, que ça a l'air quétaine comme je le dis, mais c'est vraiment bien fait, c'est souvent des très bons gags visuels. Mais moi je pense que ce personnage-là... Attends un peu, l'acteur c'est Tristan McAvoy. Oh shit. je t'ai juste dit le nom. Et puis, tu le connais. Ben là, je le connais plus. C'est qui t'es? Je t'assure, c'est Steve Blum. Fait Spike dans Cowboy Bebop. Ok, fait que t'es, ouais, t'es pas très bon. Non, je suis dans le champ. c'est qui, Rose McCarrell? Tristan McAvery, c'est lui qui a. Toujours dans Eva, c'est lui qui faisait Gendo. Le père de Shinji. My god! Ah non, je suis pourri, man. Il me semble qu'il y a eu assez de variantes aussi. Ouais. Ben, il est très différent, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a du monde qui sont auditifs, hein, qui sont comme. Ouais. Capables de. Moi, man, tu pognes un acteur. Mm-hmm. Tu mets un chapeau sur la tête, puis je le reconnais. Je suis bien. Tu sais, ok. Ouais. Bien facile à manipuler. Fait que l'homme invisible, quand il met son chapeau, c'est plus l'homme invisible pour toi. Non, moi, dans ma tête, on le voit. Il y a des lunettes fumées, puis c'est un Blues Brothers. Ok. C'est pas fini. Épisode 4, c'est. Kintaro, il s'en va dans une piscine. Municipal. Uh-huh. Puis justement, comme tu as dit tantôt, de mettre au défi la bosse de la piscine. Et c'est en fait une médaillée d'or. Puis il dit que Kintaro il est super poche. Dans le fond, il est trop poche nageur pour se faire engager pour uh-huh. être enseignant de natation. Puis il met au défi l'autre que je vais te battre dans un mois si tu me laisses travailler ici. Ouais. Puis il découvre que c'est une médaillée olympique. C'est ça. Qui est attiré sexuellement vers elle. Ouais. Ouais. C'est puis, ce qui donne son Fury of Power. Ouais. Power of Love. Mm. En bas. L'actrice qui interprète le personnage, c'est Su Wu. Et là, tes yeux me disent que tu veux t'essayer. Je vais te donner un indice. Ouais, donne-moi un indice, man. Comme ok, là, c'est toujours dans Eva. Calvaire. Ritsuko? Oui! Oh hey. My god! Hey, je l'ai eu par pur hasard. Je pense que t'as pas dit Pen. J'aurais pu dire Ray, j'aurais pu dire n'importe qui. C'est Vitico. C'est ta préférée. Oui. D'ailleurs, les designs de visage, je trouve qu'ils ressemblent des fois à Eva. Ah oui? Justement, ce personnage-là, tu la compareras un peu à Vitico, là. Ok. Les petits yeux. Ouais, c'est un peu les cheveux courts. Ouais, puis okay. le genre de petit nez en triangle, là, mais de la manière à la Gainax. Ok. Ben c'est bien parce que tu nous fais arriver au round bonus du quiz. Oh, nice! Ouais, fait que là, c'est beaucoup plus touché. Ah. Alors, pour tout, pas l'argent que tu as gagné. Ouais. Là, j'en ai eu 2/4 en passant à date. Ouais, ouais. Puis les deux derniers épisodes, ben, ils ont pas fait de Evo, ils ont pas fait grand chose d'autre. Fait que, bon, fait que c'est ça. Fait que 50%? Ben ouais. Hey. C'est pas ça. Alors, on continue. Le nom de Toshihiro Kawamoto, c'est le character designer ici de Golden Boy. Et il a été aussi character designer de quelle série? Hey, j'y ai pensé tantôt, man. Tantôt, j'ai fait comme. On dirait que ça fait Eva, mais non, c'est pas Eva, c'est. Mais c'est ça. Cowboy Bebop. Oui! Chris! Wow! Mais c'est ça, j'allais te demander, est-ce que. Character designer, ça veut pas dire qu'il prend tout le temps le même style. Non, pas en tout. C'est ça. Mais souvent, tu sais, comme un character designer. Comment tu peux le reconnaître alors? Ben, souvent, un character designer qui est connu, oui. Les studios vont aller le chercher pour son style. Ok. Fait que, mettons. Qui doit demeurer assez malléable. C'est ça. Mais, mais tu peux tout le temps un peu le reconnaître, le style d'un character designer. Tu sais, pense à, mettons. Justement, Cowboy Bebop, c'est une série originale. Oui. Fait que tu peux voir qu'est-ce qu'il a fait ailleurs, mais s'il faut vraiment que tu changes le style, là j'avoue que c'est pratiquement impossible, là. Mais il y a tout le temps des petits traits ou des petits réflexes qu'ils vont se faire aller chercher pour implémenter. Okay. Qui vont rester, même si le design est différent de ci en ci. Ok. Ouais. Ok. Ah ben cool. Après, je l'ai eu. Ouais, c'est ça. Il y a, évidemment, il a fait d'autres trucs que j'ai pas noté, mais une autre série pour laquelle il a travaillé comme character designer, c'est Wolf Rain. Oui, c'est ça. C'est Bones. Ok. C'est le même studio. Hein. Okay. L'avais-tu tout écouté? J'avais juste écouté les premiers. Ouais. J'ai écouté plus d'épisodes 2. Oui, pareil, c'est un peu décevant. Ouais. Mais musée de Yoko Kanno. Ouais. Ouais. C'était mon point d'intérêt. dans les OVA et surtout dans les séries télé, tu vas avoir comme un grand Manitou, mais souvent tu vas avoir un réalisateur, des fois différent par épisode. Je pense que c'est le cas même avec mettons, Batman The Animated Series. C'est pas tout le temps le même, ou c'est pas tout le temps le même scripteur. On a quand même deux bons noms ici. Les épisodes 1 et 6, c'est Hiroyuki Kitakubo. Il a été réalisateur d'un autre film là je te donne un gros indice. Le film, si je me rappelle bien, James Cameron, il avait dit « This is the future of animation ». C'est Battle Angel, l'éditeur, non? C'est pas ça? Le réalisateur des... C'est le premier Ghost in the Shell? Non. Le réalisateur des épisodes 1 et 6 de Golden Boy, c'est aussi le réalisateur de Blood, the Last Vampire. Oh my God, Cameron avait dit ça? Je pense que oui. Mais... Parce qu'il intégrait du CG, mais c'était bien, là, c'était pas... Et Blood, the Last Vampire. Oui, oui, oui. Tu te rappelles, c'est quasiment un moyen métrage à 50 minutes. Là. Oui, oui, je me rappelle très bien. C'est Katsuya Terada qui a fait les designs. Ah oui, ok. Et c'est un Isidol. Oh. Et je pensais que c'était Mamoru Oshii qui avait réalisé ça, mais c'est ben le produit, probablement. Ouais, c'est ça, sûrement. C'est ça. C'est ça. Ok. Oh. Ok. Bon, ben, Chris. Ok, dernière. Blood the Last Vampire, en passant, tout le monde, écoutez ça, c'est malade. Ouais. Je suis sûr qu'il est au complet sur YouTube, quelque part. Ouais. Mais, il me semble qu'on avait dit, ou c'était mon impression, que je voyais plus ça comme un test, un démo, un peu. Ouais. C'est un peu vide ou un peu. C'est à quoi ça a servi, le démo? Innocence. Exactement. Hein. Ok. Fait que, moi, je trouvais pas ça vide dans le sens. Du contenu. C'était divertissant, mais il y avait moins de... C'était un intro. Ouais. C'était un intro d'une histoire. Fait que c'est sûr que quand ça arrête, puis tu fais comme, hey, où la suite? Puis il n'y en a pas, t'es déçu. Mais après ça, ils ont fait une série qui s'appelait Blood Plus. Ok, oui. Puis ça, là, c'est allé d'un autre. Ouais, ben j'imagine que c'est pas la même machine qu'il y avait derrière. Vraiment pas. Ouais, ouais, ouais. Ok. Réalisateur de l'épisode 3, Hiroyuki. Sarabato? Non, Morita. Ouais. Il est pas réalisateur, mais il a quand même travaillé sur des trucs cool. Il a été key animator sur justement Ghost in the Shell 2 Innocence. Gunsmith Cats, le segment Magnetic Rose du Triptych Memories, qui est réalisé par. Non, c'était pas Morimoto. C'était Morimoto. Ouais, ouais. Ok. Puis un petit dernier, Ken Manor sur Spriggan et Perfect Blue. Ben, fait que, tu sais, quand même, t'as une équipe qui travaille sur une série. Pro, là. C'est ça, avec des madames puis les boules qui vont dans tous les sens. Là. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Là. Non, c'est ça. C'est je trouve ça, sans savoir toute cette information là, ça paraît. Ouais. Puis, ça paraît parce qu'ils sont imaginatifs, comme tu disais tantôt, les espèces de plans qui arrivent nulle part, d'éclairs où ils se transforment en petit ange, puis tu sais, c'est super imprévisible. Fait que tu voyais qu'ils trippaient, puis il y avait du fun à faire ça. Vraiment. Bon, vraiment. On imagine. Il avait l'air d'avoir une bonne liberté créative. Oui, mais surtout, beaucoup d'expérience, beaucoup de talent. Ouais. Fait que c'est fini? Ouais, bravo! Nice. Bravo! Bon, fait que t'as été de gars. QN, musique de Final Fantasy, s'il vous plaît. Ouais. Ben là, j'ai eu 3 sur 6, 3 sur 5. Ouais, quel 6, 2, 3... Ouais, ouais, c'est ça, je l'ai eu, man. J'ai gagné, man. T'as fini le quiz. Ouais, ouais, merci d'avoir participé. Ben, merci d'avoir préparé ça. J'attendais pas que tu me fasses un petit jeu. Ouais. Et en plus, à travers tout ça, tu m'as fait réaliser quel tune que je voulais mettre en fin. Ah, parfait. Regarde-toi ça. Juste pour terminer, le 5 et 6e épisode, c'est ça, justement, il n'y avait pas d'actrice, d'acteur pour te faire jouer à ça. Le 5e épisode, le personnage de Kintaro Ue, toujours sur son Bessic. Il rencontre justement une fille sur un autre type de Bessic. Qui est mon épisode préféré. Ok. Ouais, ouais. Complètement. Fait qu'on a ici une femme complètement développée. Ouais. Qui est sur une grosse motocyclette mais tu sais, comme de course professionnelle, je sais pas. Ouais, une moto ninja, là. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, en fait, c'est le comment qu'elle s'appelle, sa moto? BMO Baby. BMO Baby. BMO Baby. Puis, en fait, elle. Elle explique un peu plus tard qu'il y a seul l'engin, le moteur de la moto qui est capable de donner autant de plaisir et des orgasmes que les hommes ne sont pas capables. Ouais. Fait que c'est ça. Et le dernier épisode, c'est on voit un peu l'envers du décor du niveau de la production d'animation. Là, là-dedans, il y a une mise en abîme complète. Là. Je veux dire, ça parle de Golden Boy. Oui. Le show qu'ils sont en train d'animer s'appelle Golden Girl, c'est basé sur un manga. Ouais. Toute la production est tout croche, tout le monde rush tout le temps. C'est sûr que les personnages qui sont là-dedans sont insupportables. Ils ont des insides. Ouais. C'est sûr. Ouais. Là, mais ça, c'est très drôle parce que le matériel source du mangaka, c'est Tetsuya Egawa. Puis sur le poster, c'est Tetsuya Engawa. Ouais, ouais, fait qu'on on le voit personnifié, dessiné. Mais c'est très drôle parce que sur le poster, l'œuvre fictive qu'il y a dans la série, c'est Golden Girl. Ouais. Fait qu'au début, je me rappelle, dans le temps, on a vu « Hey, cool, une fille! » Puis là, on a juste pensé un peu « Ouais, ça veut dire que tous les épisodes seraient des gars, puis on les verrait pis en dans chest, puis non, on veut pas! » Ouais. Non, parce qu'on voit beaucoup de camel toe, on voit beaucoup de bull qui jiggle. Ouais, puis comme je l'avais dit, je pense que notre épisode sur Mario King, dans le deuxième épisode, de Golden Boy, on voit une parcelle de sein. Ouais. Puis juste celui-là, toutes les autres étaient 13 ans et plus par la régie du cinéma québécois. Celui-là était 16 ans érotisme. C'est niaiseux. Ouais. Mais c'est ça, comme on dit, c'est pas. Il n'y a pas de scène explicite. Ça tourne autour, mais c'est pas assez. C'est tout le temps dans le mot. C'est jamais que dark ou weird. Je pense pas qu'il y a des gens qui écoutent ça puis qui. Mettre à terme leur plaisir solitaire. Non. Mais en tout cas, s'il y en a, on veut pas les connaître. Ça t'excitait-tu, ça, dans le cas? Non. Non. Non. Ouais. Ça me stimulait plus par comme le tout, là, l'humour, la maladresse, puis le script, la réalisation, mais comme matériel érotique, non. Tu sais, un exemple, genre, jusqu'où ça peut aller, c'est genre, à chaque fois qu'il rencontre une nouvelle madame qui travaille dans un bureau, il se ramasse un moment donné devant les toilettes. Puis il cache que la fille vient de pisser ou... Ouais, ça c'est très spécial, puis je veux dire, le gars a un bon fond quand même, mais il y a des extrêmes comme ça qui sortent de nulle part que, ok, qui peut pas contrôler, là. Le gars, il a un arme en or, mais c'est un fucking pervers. Ouais. Fait que lui, il voit le bol de toilette, puis il capote, là, il a envie de se frotter à la face dessus. Puis de la manière qu'il s'exprime, la traduction est tellement drôle. Il s'exprime quasiment à la Shakespeare, là, quand il tripe sur une femme. Là. C'est super poétique, puis c'est que... Ah, le trône de ma reine sauvage! Tu sais que, je sais pas... Il y a un très grand range, autant... dépendamment des scènes, c'est ça qui... C'est ça qui devient intéressant. Oui. Et d'ailleurs, on a vu... On a conclu tantôt sur IMDB, l'acteur, justement, l'interprète qui fait la version anglaise, c'est Doug Smith. Puis d'après IMDB, il a joué dans Opération Beurre de Pinot. Mais là, avec les années, ça doit être juste un petit kid qu'on... En tout cas, ça fait des années que j'ai pas vu Opération Beurre de Pinot, mais c'est ça, c'est pas le rôle-titre qui tient. C'est ça. Puis moi, j'ai checké des photos, puis il y a de l'air jeune. Oui. Fait que, c'est sûr que dans Opération Beurre de Pinot, il jouait un enfant. Oui. Après ça, c'était... Mais j'ai checké son rôle, puis c'était comme assistant administrateur. Fait que là, je suis comme, ok, c'est fucky. Là. C'est ça, fucky quelque part. Là. Mm-hmm. C'est clairement pas ça qu'il jouait. Ouais. Il va avoir 10 ans. Même, c'est ça. J'ai pas retrouvé la référence, mais je sais que je l'avais lu il y a quelques années. C'est que l'acteur, apparemment, Doug Smith, il est rentré chez Davy Films, puis il avait quasiment la même. Job que Golden Boy, fait qu'un petit au bas de l'échelle qui fait un peu n'importe quoi. Qui... Livre de courrier. Ouais, genre tout ça. Puis il poussait des jokes, puis il était bien comique, puis avec ça, ben, il a dit il s'est fait offrir la job d'interprète pour ça. C'est dommage, Moi, j'adore son range, parce qu'il est très large, mais en même temps, sa grosse voix de colon à une gosse. Et je trouve elle petite à faire tout le monde. Ok. Je sais qu'il veut. Fait que t'aimerais pas la version japonaise. Ben, peut-être pas, mais tu sais, c'est parce que je pense que le voice acting, ça va de la même manière que Show Don't Tell. Ouais. C'est que si c'est over the top visuellement, c'est plus drôle si tu joues réaliste. Mm-hmm. Et l'inverse, tu sais. Mm-hmm. Ok. Fait que là, t'aurais deux extrêmes à la fois, comme sonore et auditif. C'est ça, ça crée un double punch. Ouais. En même temps, il y a quelques moments que c'est super drôle, tu sais. J'ai une fille à un moment donné qui dit qu'il y a une érection, tu sais. Ouais. Puis il réagit, tu sais, comme de la manière la plus sérieuse en faisant, tu sais, comme oui, c'est effectivement, c'est vrai. Elle doit te faire, oh my god! Mais souvent, c'est ça, ça va dans le range. Puis, moi, ça tape ses nerfs, tu sais. Ok. Un peu. Ok. Fait que tu vois le genre de truc qui aurait pu taper ses nerfs des gens qui ne trippent pas animés, là, ça te fait. Ben, je l'ai vécu tantôt parce que quand justement mon ami a gamé. Ouais. Moi, j'étais en train d'écouter ça sur mon ordi, puis mm-hmm. j'étais comme, elle va trouver ça insupportable, tu sais. T'avais pas d'écouteurs. Fait que je me suis mis des écouteurs. Ah, okay. Parce que j'étais comme, ok, ça va trop y taper ses nerfs. Ouais. Mais j'imagine que japonais, c'est encore pire. Ouais, c'est différent, mais ouais, c'est intense. Parce que les voix de petites filles cute japonaises, hey man, ça réveille des chiens du quartier. Ouais, ça, il y a vraiment d'infantilisation par rapport aux voix. Puis ça peut faire décrocher. Là. Moi, ça, là, c'est quelque chose qu'il va falloir m'expliquer, ça. Tu sais, un des derniers Final Fantasy que j'ai joué, c'est le 13. OK. Il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Snow, qui est un gars de genre, tu sais, 6 pieds 3, super mm-hmm. large, beau mec, mais en même temps full viril. Sa blonde, on dirait qu'elle a 11 ans. Pis c'est sa blonde, c'est sa femme qui mm-hmm. s'embrasse. Mm-hmm. Ça, je catch pas. I don't get it. Mm. Je le catch pas, puis elle agit comme une petite fille d'11 ans, tu sais. Okay. Genre, elle est gênée, puis elle. Puis mm. Ça, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un m'explique d'où ça vient au Japon, cette espèce de trip-là. Parce que, tu sais, je peux comprendre, nord-américain et tout, là, on trip sur la jeunesse, puis tu sais, les fucking madames, ouais, mais... ils ont 15 ans, puis ils ont à peine des couples. Mais j'imagine que le fétichisme, si on peut appeler ça, ou le complexe plutôt de Lolita. L'homme plus vieux qui a un désir envers la petite fille. Ouais, mais ça doit être autre chose au Japon qu'ici. Là. C'est ça, c'est que la différence de Lolita, c'est qu'elle est super sexuelle. Lolita, elle veut baiser, t'sais. Elle veut se mettre en G-string, puis mm-hmm. tomber son cul, puis faire comme. Hey, puis c'est ça qui est troublant. T'es comme Chris, elle a. Tu sais, je pense que dans le livre, elle a 13 ans, dans le film, elle a genre 15 ou 16. Mm-hmm. Fait que c'est l'espèce de. My God, c'est wrong, mais c'est l'éveil sexuel. Fait que, c'est ça qui allume. T'sais. Là, c'est anti-sexuel. Là. C'est une petite fille qui pleure si tu lui serres le bras. Mm-hmm. Fait que tu sens qu'ils ont créé de la sexualisation autour de mais je comprends pas. De gestes qui en ont pas. Là. Ouais, genre. Puis c'est même pas sexuel, en fait. C'est juste comme. C'est quoi le rapport? Dans non. Le monde qui a 11 ans. Ok. Ouais, je cache pas. Mm-hmm. Je cache pas pendant tout. Ok. Fait qu'en guise de conclusion, toi, tu le recommanderais-tu? Oui, pour sachant dans quoi on s'embarque. OK. Genre... Mais peut-être pas à des gens qui aiment pas... Genre un couple, c'est ça, un couple qui ne connaissent pas l'animation japonaise. C'est ça, peut-être avoir des référents animés avant. Tu ne fais pas starter par ça. Non, c'est ça. OK. Tu n'inviteront plus à souper. Non. OK. Mais, genre, un ami qui trippe un peu là-dessus, tu ferais comme, je pense que c'est le DVD. Ben oui. Okay. D'ailleurs, où est-ce que tu as trouvé le DVD? Je l'ai commandé, ça fait pas si longtemps. Puis c'est ça, on disait un peu plus tôt que quand il est sorti d'abord en VHS, puis un peu plus tard en DVD. C'était la compagnie ADV Films. Puis ça, je crois que c'est un truc de licence qui a expiré. Puis ensuite, c'était une autre compagnie. C'est Discotech. Okay. Qui a acquis les droits, puis qui a refait une édition DVD, donc un coffret 2 DVD qui est facilement trouvable. Ben oui, parce que là, tout est là-dessus. Tu sais, oui, c'est les épisodes. Puis, ouais. Raconte-moi une histoire, là, avant de parler. Vu que t'as passé par là. Raconte-moi de quoi. Est-ce que tu t'es déjà senti comme Golden Boy? J'ai jamais senti des toilettes qui ont été utilisées par ça, des... Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est ouais. Super bien. Ouais. Bon, fait que... Hey, ça gars, marche plus. Laisse pas parler. Non, ça marche plus. Je sais plus. Raconte-moi. Mais en connais-tu d'autres des séries qui abordent un peu le des thèmes plus adultes ou semi-érotiques sans que ce soit du hentai? Ouais, en restant dans l'humour. C'est une bonne question. Je pense qu'il y en a, man. Je pense que c'est vraiment. Je suis sûr qu'il y en a un paquet d'autres, ouais. Mais tu sais, qui est tombé dans mon intérêt, puis je pense que ça, c'est bon. C'est pas nécessairement pareil, mais. Dans les années 80, il y avait une espèce de vague de screwball comedy. Ouais. Puis, comédie loufoque, t'as toujours une scène ou une fille qui se monte les balles, n'importe quoi. Là. Ouais, genre Porky. Ouais, un peu. Folichon, hein. Ouais. Avant les Unrated Edition. Hey, Porky, man, quand ça jouait à TV, on était excitant en tabarnak. C'est pas pour toi, là, mais moi, j'avais genre 8 ans, là, je capotais ma vie. Ouais. Hey, là, j'allais voir des boules. Là. Oh my god! Puis la vigueur de ménage qui est genre comme suédois. Là. Complètement fucké, ça, l'histoire de ce film-là. Ouais. T'as-tu vu les vrais, la vraie histoire? Avec Laurence Leboeuf, qui joue dans Turbo Kid. Ouais. Ouais, mais non, je pense que j'avais écouté le 7e qui en parlait des sources. Ok. C'est bon? C'est super dramatique, là. Ouais. Mais non, fait que folichonnez-moi ça, les amis. C'est quoi ton histoire la plus folichonne? Ok, c'est bon, ça. Dans les épisodes? Non, dans ta vie. Dans mon expérience. Dans ton expérience personnelle. Ben là. Genre, une fois que t'étais. Je pense que j'ai un bagage qui est pas le plus. Ben. Moi, je pense que j'ai un bagage que je peux genre mettre dans la poche, puis toi, ça te prendrait 3 entrepôts. Ben pourquoi? Non, mais je parle pas d'histoire de cul, je parle genre. Non. Mettons un truc, genre t'es en camping, puis là tu vois une fille se changer, ou je sais pas, tu sais, ta voisine qui change. Ah, oh, c'est bon ça! Ça rappelle? C'est ça? Ah oui, t'as fait une BD là-dessus. Raconte-le. Ah oui, on va finir là-dessus, là, c'est bon. Ok, ben justement, c'était dans le temps qu'on écoutait. Peut-être pas Golden Boy, mais quand on commençait. Forgotten Tales. Ouais, notre première BD médiévale avec des seins qui bloup. Oui. Ouais. Puis c'était l'été, c'était dans la cave chez mes parents. Puis on sortait en arrière, juste prendre un break, fumer. Puis chez le voisin à côté, il y avait une jeune fille qui. C'est quoi son nom, même, t'en rappelles-tu? Hein? Monique. C'était Monique. Oh, salut Monique. Salut Monique. Oh, Monique. Là, tu peux te faire la gueule. Continue l'histoire. Ouais. Puis c'est ça, elle faisait quoi? De la peinture ou du jardinage? Ou... Elle faisait une espèce de collage de vitraux. Elle faisait de la peinture sur le vitrail. Ok. Puis elle était accroupie. Oui. Ben, c'est qu'elle est sortie en bobette. Ok. Puis. Elle a accoté son affaire sur le mur de la maison. Ouais. Puis là, nous autres, on checkait ça de loin, puis juste le fait qu'elle sortait en bobette, puis c'était l'été, puis il faisait beau, moi, je trippais déjà. Ouais. Puis là, finalement, on a compris que sa position pour travailler, c'était d'être en angle de 45 degrés, là. Ouais. Fait que son cul était très haut, et sa tête très basse, et c'est comme ça qu'elle peignait ses vitraux. Ouais. Mais son cul faisait face à nous tout le long, fait qu'on pouvait voir. Et t'étudiais l'anatomie, tu perfectionnais ton malade, anatomie. C'était malade, c'était une des plus belles après-midi que j'ai passées chez le de ma vie. Ça faisait très Golden Boy. Hein? Ouais. Très, très, très Golden Boy. Un autre affaire qui fait très Golden Boy, bizarrement, il y a une vibe très années 80. Dans Golden Boy. Moi, je trouve. Dans les designs. Ouais, stylistiquement. Ouais. Okay. Tu sais, check-les juste quand ils sont bike au début, là, avec son genre de petit côte rouge, quasiment Michael Jackson. Ouais. Sa calotte en envers, puis ses gros verres fumés qui, tu sais, qui ont comme un dégradé de lumière dedans. Là, ouais, comme le arc-en-ciel un peu. Genre, tu sais. Ça fait très 80s. Ouais. Les skinny jeans bleus. Là. Ouais, exactement. T'sais. Ok. Fait que c'est ça qui m'a inspiré, la chanson de clôture. Ah, ok. She's a Maniac Slow Version? Moi, je mettrais She's a Maniac fast version. Parce qu'elle est tellement bosse. Okay. Mais c'est pas ça que tu voulais mettre pour de vrai. Oui! Sérieux? Oui! Ok. T'as eu ton flash tantôt. Ben oui. Ok. Ben c'est parce que je l'ai écouté full en fin de semaine, puis je voulais de la chanter au karaoké, puis là, finalement ça a chuté. Ok. Ok. Fait que she's a maniac. She's a maniac, maniac. Puis c'est qui l'artiste? C'est qui l'artiste? Ouais. C'est qui? C'est Michael Sandello. Ok, ouais. Ouais. Hein? Ok. Hein? Ouais. Ça m'a piégé, toi. Ouais, c'est bon. Le boy, yeah. Yeah. Fait que on se revoit dans 6 mois, tout le monde. Sûrement avant. Ok. Bye. Bye, là. Bye.